sang qui s'écoule goutte à goutte du temps a nourri les rivières creusées par les carnages, perpétrées en ton nom par ces hordes sauvages de serviteurs zélés par folie t'insultant. Les hommes t'ont créé en des révélations, prirent pour leur malheur cette résolution d'inventer cette chose appelée religion, servant à assouvir de morbides pulsions. Massacre de chrétiens lors de l'Antiquité, furie de musulmans menés par les croisés, martyrs de protestants, Saint-Barthélemy. Aujourd'hui terrorisme contre les insoumis. Et pourtant le Talmud, la Bible ou le Coran ne prônent-ils ne donc pas l'amour de son prochain? Mais souvent le prochain est traité comme un chien, victime de la haine parce que différent. Que tu t'appelles Dieu, Allah ou Jéhovah, je sais au fond de moi que tu n'existes pas. Cependant je t'adresse rien qu'un Alléluia, pour que cessent ces crimes que ces fous font pour toi.